Chapitre 2e. Le mystère de Faubourlois. Ce n'était pas sans raison que le reporter Martineau avait qualifié de mystère la cause criminelle qui s'instruisait en ce moment au parquet de la ville de Château-Chinon. La tentative d'empoisonnement dont la duchesse de Vallombreuse avait failli devenir victime était un fait brutal, impossible à nier. La quantité d'arsenic trouvée dans la tasse était plus que suffisante pour amener la mort. Il était également hors de doute que l'infusion toxique n'avait pu être préparée que par Flavia, puisqu'elle s'était proposée elle-même à la duchesse. Tous les domestiques se trombent alors dans la salle à manger. Mais là où commençait la difficulté, c'était de déterminer le mobile qui l'avait poussé à commettre ce crime. Le juge d'instruction, auquel nous prêterons le nom de Duranger, eut beau chercher, beau interroger les domestiques du château et les deux filles de la duchesse, aucune lueur n'avait pu éclaircir les ténèbres de ce mystère judiciaire. À toutes les questions du juge, l'institutrice avait répondu que la présence du poison dans le breuvage lui semblait inexplicable. Son attitude calme et la netteté de ses réponses avaient fini par impressionner vivement M. Duranger. « Avez-vous quelque motif secret de haine contre votre maîtresse ?» lui demanda-t-il. « Madame la Duchesse m'a constamment traité comme si j'étais sa fille, » répondit l'institutrice. « Comment aurais-je pu la haïr ?» Les déclarations de Marcel et d'Ève n'étaient pas moins affirmatives. Flavia, qui était pour elle comme une sœur aînée, leur portait la plus tendre affection, et elle ne pouvait admettre un instant qu'elle se fût rendue coupable du crime dont on l'accusait. La déposition de la duchesse, quoique plus réservée que celle de ses enfants, était également favorable à la prévenue. Elle ne niait aucune des circonstances qui avaient précédé ou accompagné cette tentative d'empoisonnement, mais il lui était impossible d'indiquer une cause qui fût de nature à l'expliquer. Cette affaire, qui devait avoir un grand retentissement, tant en raison du mystère dont elle était enveloppée que de la haute situation des personnages qui devaient y figurer, avait produit l'émotion la plus vive dans tout le pays. L'opinion publique se partageait en deux courants, l'un favorable à l'institutrice, l'autre contraire. De même qu'il ne saurait y avoir de fumée sans feu, disaient les uns, de même, il peut y avoir de crime sans un intérêt direct. Or, quel intérêt avait la prévenue à empoisonner la duchesse? C'est vrai, le motif déterminant échappe, répondaient les autres, mais soyez certains que la justice parviendra à le découvrir. L'affaire en était là lorsque la diligence qui fait le service de Cercy-Latour à Château-Chinon arriva, amenant les trois amis que nous avons vus attablés dans le cabinet du restaurant Brébant. Le reporter Martineau avait mis Maxou et le docteur Cavarox sur une piste excellente. Cette piste pouvait les conduire sur le chemin de la renommée et de la fortune. Toutefois, il importait pour réussir d'agir promptement, sinon leur rêve courait grand risque de ne point se réaliser. En effet, une cause célèbre est un mets des plus affriolants, surtout pour les avocats. Maxou devait donc, avant tout, s'assurer de la possession de l'affaire. S'il enlevait de haute main la faveur de défendre la prévenue, Cavarox était à peu près certain de se voir chargé de la contre-expertise. Le premier soin de Maxou, en entrant dans la capitale du Morvan, fut de s'enquérir du nom du juge d'instruction. Par un hasard providentiel, il se trouva que ce magistrat était l'un de ses camarades de l'école de droit. Il se rendit chez lui sur le champ. Le juge Duranger était tout l'opposé de l'avocat Maxou, qui, par forfanterie, aurait regardé en plein midi le soleil en face, si le soleil l'en eût défié. Le magistrat morvandais était d'une timidité extrême, mais sous cette timidité se cachait une grande perspicacité. Très honnête homme, il recherchait la vérité avant toute chose. Son système à l'égard des prévenus était de s'adresser tout d'abord à leur conscience, afin d'arriver ensuite à l'aveu ou à la preuve. Il procédait par déduction. Sa grande préoccupation lorsqu'il se trouvait en face d'un crime était de découvrir le mobile qu'il avait fait commettre. Ce mobile, nous l'avons dit, lui échappait complètement dans les circonstances présentes et il était tout rêveur au moment où on lui remit la carte de Maxou. À peine eut-il jeté les yeux sur cette carte que son visage s'épanouit. Il donna l'ordre qu'on introduisît immédiatement le visiteur inattendu. Quelles circonstances heureuses pour moi vous amènent sur notre montagne noire ? Demanda-t-il à Maxou en lui tendant la main. « Avec vous, mon vieux camarade, » répondit l'avocat, « je n'irai pas par quatre chemins. J'attends de vous un service important. »« Accordez d'avance si je le puis, » dit le juge. Maxou présenta sa requête dans les termes suivants. Depuis que nous avons quitté les bancs de l'école, j'ai constamment végété. L'aveugle destiné n'a pas daigné mettre sur ma route une seule de ces causes qui font la célébrité d'un avocat. J'ai plaidé d'obscures affaires de police correctionnelle, mais impossible de mettre le bout de mon petit doigt sur l'un de ces procès retentissants qui passionnent l'opinion publique. « C'est fâcheux, très fâcheux, mon ami, » répondit le juge d'instruction, « car bien certainement il y a en vous l'étoffe d'un avocat de premier ordre. Je me souviens de vos succès dans nos conférences. Eh bien, ce début éclatant que j'ai cherché en vain jusqu'ici, vous pouvez me le faire obtenir. L'affaire du château de Faubouloie sera, si vous me donnez un coup d'épaule, le tremplin d'où je m'élancerai à la conquête de la renommée. » « Assurément, je ne demanderai pas mieux, » répondit M. Duranger. « Mais vous le savez tout aussi bien que moi, je ne puis en aucune façon influencer la prévenue sur le choix d'un défenseur. Sans doute. Mais rien ne vous empêche de lui faire comprendre que vous connaissez un brave garçon plein de talent qui se chargerait volontiers de sa défense. Elle n'a sans doute aucune relation ici, cette pauvre fille, et l'acceptera, j'en suis sûr, l'avocat que vous lui proposerez. Je vais au tribunal, je verrai la prévenue, et aujourd'hui même, vous saurez à quoi vous en tenir. À quelle heure voulez-vous que je revienne? Entre 5 et 6 heures. C'est bien, merci, reprit Maxou en se retirant. À l'heure indiquée, Maxou trouva le juge qui l'attendait dans son cabinet. « L'affaire est arrangée, » lui dit M. Duranger. « Flavien Morin vous prend pour son défenseur. »« Quand pourrais-je la voir ?» demanda l'avocat. « L'instruction est à peu près terminée, et je viens de lever le secret. Voici une permission, vous pourrez conférer ce soir avec elle. » Maxou prit le précieux papier, et malgré les instances réitérées de M. Duranger, qui voulait le retenir à dîner, il sortit et se dirigea en toute hâte vers la prison de Château-Chinon. En chemin, il se croisa avec le docteur Cavarox et Martineau. « Eh bien, » firent ses deux amis en l'arrêtant, « tout marche à merveille, » répondit l'avocat. « Je suis agréé comme défenseur de la prévenue, et je cours de ce pas près d'elle. Sois tranquille, cher docteur, j'ai glissé quelques mots sur ton compte à Duranger, et j'espère que tu seras chargé de la contre-expertise. « Alors je vais soigner votre entrée en scène, » répliqua le reporter. Vous verrez cela dans le journal après-demain. » Le soir même, Martineau envoya en son journal la note suivante. « Nouveau renseignement sur le crime de Faubouloie. Nous avons été les premiers à faire connaître le crime mystérieux qui s'est accompli au château de Faubouloie. L'un de nos principaux rédacteurs, envoyé sur les lieux, nous transmet à l'instant les détails intéressants qu'il a pu recueillir. Le mystère de Faubouloie est loin de s'éclaircir. La jeune prévenue a subi plusieurs interrogatoires avec une fermeté vraiment remarquable. Elle ne nie aucun des faits que nous avons précédemment révélés, toutefois elle persiste à se déclarer innocente. L'instruction est conduite par M. Duranger, un jeune magistrat plein d'avenir. Le défenseur choisi pour plaider dans ce procès, qui sera célèbre dans les fastes de la justice criminelle, est un jeune avocat appartenant au barreau de Paris, M. Maxou, un enfant du Midi. Maître Maxou possède, dit-on, au plus haut degré l'éloquence qui semble être un des attributs de son pays natal. Il suffit de l'entendre pendant quelques minutes pour affirmer, sans crainte de démenti, que son nom, inconnu encore aujourd'hui, sera demain dans toutes les bouches. Madame Lafarge aurait été sauvée s'il avait eu Maître Maxou pour défenseur. Ce procès criminel sera remarquable, en outre, au point de vue de la science. Un médecin spécialiste de Paris, le jeune docteur Cavarox, l'un des plus brillants élèves du célèbre Tardieu, doit être chargé de la contre-expertise. Quelques mots à présent sur la prévenue. Flavien Morin est une belle jeune femme de 20 ans. Sa beauté rappelle celle de ses fières patriciennes que nous admirons chez les maîtres de l'école vénitienne. Sa splendide chevelure, d'un blond ardent, aux reflets cuivrés, donne à son visage un caractère d'étrangeté des plus saisissants. Ses yeux, d'un bleu sombre, presque noir, ont une expression telle qu'ils se gravent dans le souvenir lorsqu'on les a rencontrés une seule fois. L'instruction tire à sa fin. Au moment où nous écrivons ces lignes, Maître Maxou a une entrevue avec la prévenue. Cette note eut le plus grand retentissement, presque tous les journaux de Paris la reproduisirent. Ainsi que le reporter Martineau l'avait promis à Maxou et à Cavarox, leur nom venait de recevoir le baptême de la publicité. Maître Maxou, après avoir pris brusquement congé de ses deux amis, n'avait fait qu'un bond jusqu'à la prison de Château-Chinon. Il déclina son nom et sa qualité, et la porte de la redoutable maison d'arrêt s'ouvrit devant lui. Quelques instants plus tard, il était introduit auprès de Flavien Morin.